Qu'est-ce que c'est que cette île qui n'en est pas une? C'est simplement un lieu dit, vous savez, comme on dit quelquefois, au-delà d'un village, il y a comme un bout du monde, un endroit où les gens vivent plus seuls que dans le village. Qu'est-ce que c'est que ces chèvres que vous ne verrez pas, mais vous verrez leur dépouille, et puis vous les sentirez vivre de toute leur vie, cosmique, si on peut dire, et animale. Et vous savez bien que l'homme est un animal, et la femme aussi, bien sûr, et que quelquefois, l'homme ou la femme redevient animal ou redevient sauvage, comme par exemple les roses, quand elles redeviennent sauvages, quand ça redevient des églantines. La fleur, peu à peu, se simplifie, mais la tige devient plus charnue, avec des épines plus dures, elle devient plus colorée. Et puis, au lieu d'avoir une odeur de pétales et de rosée, ça a tout d'un coup une odeur de terre et de sève. Oui, il y a quelquefois des roses qui redeviennent églantines. Qu'est-ce que c'est donc que cette pièce, l'île des chèvres, qui s'appelait en italien « Deli »,« Delitto ». En italien, on dit souvent « Delitto » dans les journaux. C'est un délit, c'est un crime ou simplement quelquefois un vol, un épisode. C'est un titre assez simple qui dit bien ce qu'il veut dire, car là aussi, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas pire qu'un fait divers, mais qui aura l'air bien pire. Et qu'est-ce que c'est que cet auteur, Ugo Betti? C'était un homme très, très discret. Si discret que lorsqu'il connut le succès, d'abord, ce ne fut pas chez lui, pas en Italie, ce fut à Paris, précisément. Et puis, quand le succès lui revint de Paris à Rome, où il vivait, alors il mourut. Il n'avait pas 60 ans, c'était il y a une dizaine d'années. Oui, c'était un homme très discret. Je l'ai vu une fois, c'était à la sortie d'une de ses pièces, et on lui courait après, comme on court quelquefois derrière les auteurs, et on a voulu lui poser cette question qu'on croit profonde et qui est simplement creuse. « Qui êtes-vous, Ugo Betti ?» Et il a dit « Sono Ugo Betti ». Et je suis l'auteur de la pièce que vous venez de voir, ça devrait suffire. Alors si je vous disais, bon, les titres des pièces de lui qu'on a jouées à Paris, il y a Irène innocente, il y a Corruption au palais de justice, il n'y a pas d'amour, il y a aussi ce beau dimanche de septembre que vous avez vu à la télévision, il n'y a pas tant d'années. Si je vous ajoutais qu'il a publié des recueils de vers, qu'il a été fonctionnaire du ministère de la justice, vous penseriez que ça ne vous apprendra pas grand-chose, et pourtant si, poète et magistrat. Ça peut faire un assez bon dramaturge comme mélange. Alors ce poète et magistrat, dramaturge, a écrit l'histoire de ces femmes qui sont en quelque sorte, ces trois femmes, Agatha, Pia et Sylvia, des séquestrées volontaires, dirons-nous. Elles viennent de la ville, ce sont des bourgeoises, ce ne sont pas des femmes de la campagne, ce ne sont pas non plus ce qu'on appelle les femmes du peuple. Elles ont choisi cette sorte de réclusion pour des motifs qui sont peut-être nobles. Il y a déjà une assez grande noblesse à se suffire à soi-même. Dans un pays comme l'Italie, où on trouve toujours plus pauvre que soi pour vous servir, elles se servent toutes seules, elles se servent des chèvres. Pourquoi ont-elles abandonné le monde? Peut-être pas pour des raisons philosophiques, seulement parce que le monde manquait d'amour, manquait d'amitié, parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'un homme n'est pas revenu. Elles sont exclues, donc. Et arrive Angelo. Angelo arrive. Qui est-il? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ment? Ça n'a pas tellement d'importance que ce soit la vérité ou que ce soit des mensonges. Ce qui serait un grand mensonge, ce serait de dire que tout a commencé parce qu'Angelo est arrivé. Non, tout a commencé avant, à cause de cette réclusion, à cause de ce qu'elles sont dans cette île. Et que peut-être, quand on est séquestré, même volontairement, on ne peut plus faire qu'une chose, c'est séquestrer à son tour. C'est resserrer l'île au point qu'elle n'est plus grande que comme un puits et que dans ce puits tombe, s'enferme quelque chose. On dit souvent que c'est la vérité qui fréquente les puits. C'est peut-être quelquefois aussi le mensonge. Je vous ai dit que vous ne verriez pas d'île, vous en verrez quand même une. Tout le temps, pendant tout le temps, elle sera avec vous. Elle est toute petite. Vous la connaissez très bien. C'est le carré blanc. On vous en a parlé. Il va être là tout à l'heure. Ce carré blanc, c'est quoi? C'est quelque chose. C'est le moment où une responsabilité se dégage, celle, disons, ici, de la maison, mais engage la vôtre. Vous allez regarder cela à vos risques et périls, c'est ce qu'on appelle une pièce assez osée, où les gens se conduisent d'une façon qu'on pourrait appeler scandaleuse. Si ce que vous allez voir vous fait tomber des nues, si vous dites que jamais vous n'auriez pensé que des choses comme ça puissent exister, que vous ne l'auriez même pas soupçonné une seconde, c'est que vous êtes très candide, et le poète Ugo Betti en est bien heureux. Si au contraire cela vous rappelle des choses, cela vous choque parce que cela remue des idées que vous avez eues, des souvenirs qui peuvent être les vôtres, alors le magistrat Ugo Betti vous dit que vous n'êtes peut-être pas tout à fait aussi innocent que vous le croyez. les idées d'Ugo Betti sur le bien, sur le mal, bah, il serait facile de vous dire qu'en montrant le mal, en réalité, c'était dans le suprême intérêt du bien qu'il le faisait. Je pourrais même vous dire, Angelo s'appelle Angelo, mais par antiphrase, en réalité, il est le diable. Je ne sais pas, on peut peut-être laisser là-dessus un point d'interrogation. La vertu à laquelle Ugo Betti croyait beaucoup, c'était la vertu du théâtre, et il avait raison. Peut-être croyait-il, comme par exemple Tennessee Williams, un autre dramaturge américain, celui-là l'a dit l'autre jour, le théâtre n'est peut-être qu'un ver grossissant que le dramaturge promène sur des visages, sur des cœurs, sur des situations, sur des faits divers. C'est peut-être cela. En tout cas, il a pu penser qu'au théâtre, on montrait quelque chose aux hommes, si vous voulez absolument que son théâtre ait servi à quelque chose, qui était que quand les hommes disent « Eh bien, c'était la fatalité, eh bien, c'est arrivé parce que Dieu l'a voulu », ce n'est pas si certain. Ça peut être la somme de toutes les petites îles, de tous les petits faits, de toutes les petites séquestrations, réclusions que chacun a fait à l'intérieur de lui-même et qui s'accumulant, par quelquefois ce manque d'amour, ce manque de lien d'une personne à une autre, arrive à créer un gouffre. Voilà, vous pourrez les juger, ces trois femmes et cet homme, vous les jugerez comme on dit et comme on le faisait devant M. Betti, magistrat, en votre âme et conscience. Tout le monde a une âme, dit le poète, presque tout le monde a une conscience, dit le magistrat. C'est le « et » entre les deux qui, quelquefois, rend les choses difficiles, car ce que l'âme voudrait quelquefois absoudre, la conscience peut le condamner. Qu'à l'inverse, ce que l'âme condamne, la conscience essaierait peut-être de le comprendre. Elles ont en tout cas des excuses, et quoi qu'il arrive, je ne pense pas que ces femmes, vous les auriez condamnées à mort, sûrement pas. Alors à quoi ? À la prison. Mais je vous le rappelle, la prison, elle aussi, est une île. Les bols, c'est tout. Il fait frais ici, on aurait pu se lever. Je me sens trop vieux maintenant pour aller venir comme ça sur ce canyon, tout démantibulé. Je suis trop vieux pour le plein soleil. Bon, alors, dites bien à votre belle-sœur que c'est lundi que je repasserai. Je donne un coup de klaxon de la route et vous autres, si vous avez besoin de quelque chose, vous montrez sur la porte et vous faites signe. Elle est allée à la poste, votre belle-sœur ? Oui. Ah, j'aurais voulu demander si elle avait été contente. Comme j'ai fait les commissions pour elle l'autre semaine, elle a dit que enfin, ça allait bien. Mais oui. Bon. Et votre nièce, elle aussi, elle a été à la poste? Non. Elle va bien maintenant, votre nièce? Mais oui, elle va bien. Ah bon, moi ça fait plaisir. Mais encore un peu d'eau, s'il vous plaît. J'avais bien dit que vous n'avez pas besoin de farine. Je vous ai donné la liste. Ah oui. Lisez-la. Bon, ça va. Alors, c'est lundi que je pars. Vous comprenez, c'est pas tant le soleil, c'est le vent, c'est l'air qui vous brûle. Alors, je m'en vais. Bonsoir. Bonsoir. Bien des choses à votre belle-sœur et à votre nièce. avez laissé tomber quelque chose dans le puits? Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi, je voulais bien savoir si c'est bien ici la route qui mène à un endroit qu'on appelle l'île des Chèvres. L'île des Chèvres, c'est ici, vous y êtes. Par où êtes-vous passé? Par là, par la route. Après cette maison, il n'y a plus rien. Si c'est à la poste que vous allez, vous devez rebrousser chemin. C'est loin? Vous êtes à pied? Oui. Alors il vous faut 2 heures. Bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui vous a permis d'entrer? Non, pardonnez-moi, mais c'est justement cette maison que je cherchais. Sylvia, Sylvia! Non, non, aucune crainte à avoir, non. Non, je m'excuse bien sûr de me présenter dans cette tenue, mais c'est la route, la poussière. C'est bien ici la maison du professeur Enrico Ichi, n'est-ce pas? Le professeur est mort depuis plusieurs mois. Oui, je le sais. Vous êtes sa veuve? Non. Sa sœur, alors, Pia? Oui. Vous êtes jeune? Et sa femme n'est pas là? Elle va rentrer. Eh bien, je l'attendrai, si vous le permettez. Et la fille du professeur, mademoiselle Sylvia, comment va-t-elle? Fait-elle des progrès dans ses études? Est-elle bien dans la maison en ce moment? Je ne sais pas, je crois que oui. C'est beau ici. Un peu solitaire, mais plein de charme. Vous y trouveriez moins de charme si vous étiez obligé d'y vivre. Et pourquoi laisse-t-on la terre en friche par ici? C'est à cause des chèvres, elles dévorent tout. Les chèvres, vous en avez beaucoup? Ce qu'il en faut pour nous faire vivre. Et qui les garde? Nous. Moi, ma belle-sœur et la petite. Vous n'avez pas de berger? Non. Ah. C'est utile, un berger. Il commande au troupeau, le troupeau prospère. Pas de domestiques non plus? Autrefois, nous avions une vieille. Maintenant, nous sommes seuls. Bon, excusez-moi, mais j'ai laissé quelque chose dehors. Permettez de m'asseoir. Merci. Elle est belle, la maison. De loin, elle se dresse. On dirait une tour. Vous parlez d'une belle cahute? Vous avez vu la terrasse? Non, pourquoi? On ne peut pas y aller. Si on y mettait le pied, tout s'écroulerait. La nuit, s'il fait du vent, la persienne du dessous commence à battre. Pim, pam. Fini le sommeil. Ma nièce en devient folle. Pim, pam. Ah, bah, il suffirait d'y aller et de la fixer, cette persienne, ou bien de l'enlever tout à fait. Ça, je peux le faire. C'est ça. Pour que tout s'écroule. La terrasse et vous avec. Si ça n'était pas dangereux, nous l'aurions déjà fait nous-mêmes. Et il y a longtemps que la veuve du professeur et vous, la demoiselle, vous vivez ici, sans homme, dans cette maison. 5 ans. Il y a 5 ans, depuis le départ de mon frère. Et votre belle-sœur n'a pas pensé à se remarier? Non. C'est une femme qui ne pense pas à ces choses-là. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez donc? Eh bien, moi, j'étais l'ami de votre frère. Oui, j'ai même assisté à sa mort. Et c'est arrivé là-bas, en Afrique, vous savez bien. Vous étiez prisonnier avec mon frère? Oui, j'étais prisonnier avec votre frère. Oui. Il y avait parmi les prisonniers des gens de son pays qui parlaient la même langue que lui. Et pourtant, peu à peu, c'est moi qui l'ai choisi. Et nous avons parlé. Et nous étions tout le temps ensemble. Vous êtes étranger? Oui, d'ailleurs, mon séjour dans ce pays est irrégulier. Vous parlez très bien notre langue. Ah oui, mais j'aime à la parler. D'où êtes-vous? De loin. Un endroit où il fait presque aussi chaud qu'ici quand il fait chaud, mais beaucoup plus froid quand il fait froid. L'hiver, on mure les fenêtres avec des briques et de la chaux et on allume de grands poêles. Et on est bien. Et là-bas, qu'est-ce que vous faisiez? J'étudiais. J'étudiais beaucoup, je réfléchissais aussi. Je m'appelle Angelo. Angelo Isain. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné dans votre pays? Je ne le désirais pas, voilà tout. Non, ce que je désirais, c'était venir ici. Mon frère vous a confié un message pour nous? C'est ça. Il vous a prié de venir pour nous dire quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Un message pour moi? Ah, je vois, c'est pour sa femme. Eh bien, je crois qu'elle ne va pas tarder. Vous ne la connaissez pas, naturellement? Non. Ma belle-sœur est une femme que nous admirons tous. Je me suis toujours sentie très petite à côté d'elle. Quand elle bat la persienne même, semble dire « Agatha, Agatha ». Agatha, votre belle-sœur. Oui, c'est à elle que nous devons de moisir ici. Moi, heureusement, j'espère en aller bientôt. Vous étiez officier? Oui. Moi, je suis professeur de langue vivante. J'ai beaucoup voyagé. Do you find this a lovely place? Sprechen Sie Deutsch? Non, je ne comprends pas. J'ai vécu un an à Vienne. Vous connaissez Vienne? Non. Quelle vie! J'étais chez des gens de l'aristocratie. Tous les soirs, le théâtre, le bal. Nous menions grand train. Vous savez danser? Oui, bien sûr. Ici, il me semble que je ne suis plus la même personne qui dansait à Vienne. Je suis devenue une sauvage, fagotée, négligée, affreuse, non? Affreuse, non. L'homme a un œil qui sait faire la part des choses. Vous n'êtes pas du tout affreuse, non? Beaucoup d'amoureux à Vienne? Oh, vous savez, les amoureux, c'est partout pareil. Voulez-vous de l'eau? Oui. Bien froide? Avec plaisir. On est bien ici. C'est la seule pièce un peu fraîche de la maison. Savez-vous que moi aussi, j'ai été longtemps comme vous. Vous ici, bien longtemps sans homme, et moi là-bas, bien longtemps sans femme. Ah oui, en captivité. Mmh. Vous avez dû vous ennuyer. Ah, c'est beaucoup moins amusant qu'à Vienne. Mais ensuite, on vous a libéré. Oui, on nous a libérés. Malheureusement, les hommes ont un penchant pour l'œuvre de chair. Ils y sont portés par leur nature même, moi plus que les autres. Vous, non? Oh, vraiment, pour une femme, tout ça a beaucoup moins d'importance. Nous, nous y pensons moins. Un homme est toujours un homme. À quoi doivent penser un homme et une femme quand ils se trouvent ensemble? Il y a tant d'autres questions, vous savez. Tu as un mari? Tu as un homme? Mais je vous en prie. Nous sommes seuls dans la maison. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a ma nièce et je vais l'appeler si vous continuez à me tenir des propos pareils. Et ma belle-sœur sera ici dans un instant. Et si ta belle-sœur me donne l'hospitalité cette nuit, tu seras gentille? Mais vous êtes fou, vraiment fou! Je ne sais pas si je dois rire ou me fâcher. Mais de quel pays sortez-vous? C'est ainsi que l'on considère ces choses chez vous? Alors tu ne veux pas? Je vous ai dit de cesser. Il n'y a pas 10 minutes, vous ne me connaissiez pas, déjà vous vous croyez en droit de... Vous ne vous rendez pas compte que c'est ridicule? Compris. Quand je suis arrivé, là, vous étiez en train de fourrager dans le puits. Vous y avez laissé tomber quelque chose? Quelque chose? Oui, dans le puits, là, qu'est-ce qui est tombé? Oh, rien. Une peau de chèvre, une peau comme celle-là. Vous savez, je ne voudrais pas que vous soyez vexé, mais vous devez comprendre que certaines initiatives ne sont pas souhaitables dans tous les cas. Forcément, avec les femmes que vous avez connues quand vous êtes redevenu libre, c'est peut-être ça qui vous a faussé les idées. Et vous n'avez pas pu la rattraper? Elle a dû s'accrocher quelque part, il y a des crochets dans le fond. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, nous descendrons dans le puits. Pourquoi vous me demandez ça? Non, parce que je voudrais me rendre utile. Je suis serviable de nature, puis il faut bien que je me rende agréable, faute d'argent. Vous dites qu'il faut descendre? Oui. Mais comment? Nous avons une échelle pour ça. Et l'eau? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, eh bien, je vais aller vous la chercher, cette peau. Vraiment, vous voulez? Ben oui, bien sûr. Oh! Je viens! C'est tout de même vrai que vous êtes extraordinaire. Qui? Vous autres, les hommes. Je pense à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je ne comprends pas que vous puissiez désirer une femme sans qu'il se soit produit, je ne sais pas moi, une sympathie, une intelligence, rien. Ça me semble une chose tout à fait animale. Vous êtes bien sûr que ça n'est pas dangereux? Mais non, allez-y. Ainsi, pour vous autres, les hommes, une femme ou une autre, c'est pareil. Vous n'allez pas me dire que je vous ai plu. Comment aurais-je fait pour vous plaire? C'est peut-être la chaleur du chemin qui vous a tourné la tête. Décidément, je crois que c'est toujours la même chanson. Une petite cérémonie avec chacune et chacune, sans même l'intention d'aller vraiment jusqu'au bout. Il fait frais en bas? Oui, fresquet. Vous y êtes? Oui. Vous avez trouvé? Non, pas encore. Pendant que vous y êtes, il doit être tombé autre chose dans le puits. Du linge. Attendez, je vais chercher une lampe. Et c'est vie, vous tous, bibébo, bibébo. Aliera sicha falumana. Vivete, vivete, vivete va. Vivete, vivete, vivete va. Aliela sit chafalumana. Ah, je remonte à tas de choses. Regardez-moi tout ce que j'ai repêché. Il y en a encore beaucoup en bas. Pleine corbeille. Suspendu à un crochet. Est-ce que cela date du temps du professeur? Oui. Qu'est-ce que c'est? Du genièvre. Fait ici, par les paysans? Oui. Un jour, vous me permettrez d'y goûter, n'est-ce pas? Vous êtes la veuve du professeur. Oui. Et cette demoiselle, c'est sa fille, mademoiselle Sylvia. Oui. Ah, elle est belle et jeune. Bon, et bien maintenant, il faut que je m'essuie, parce que sinon, je vais attraper du mal. Eh oui, je suis fort, mais en même temps, délicat. Si je me surmène, eh bien, je suis fichu. Eh oui, je suis fort. Tenez, vous, venez ici, prenez mon coude. Et vous prenez l'autre. Allez, n'ayez pas peur. Voyez, je joins les deux mains, là, comme si je priais. Hein? Et maintenant, vous tirez chacune de votre côté. Voyons si vous êtes capable de séparer ma main droite de ma main gauche. Allez. Quatre ans ne seraient pas capables d'y arriver. Oui, ça, je suis très fort. Mais seulement, il faut que je me soigne et que je mange bien. J'ajoute que je suis propre, qu'il est agréable de m'avoir dans une maison. Vous êtes blanc et potelé comme une femme. Oui. Bien que je connais toutes sortes d'adversités, mais je sais bien que je dors. Et puis je prends bien soin de ne nuire à personne. Avec ces boucles, vous avez l'air d'un agneau. Savez-vous que vous avez un grain de peau très fin? En jugez par ce que je peux voir, bien sûr. Toutes les trois. Oui, dans mon pays, les femmes ont des taches de rousseur. Et leurs seins s'alourdissent très vite. Ceci dit, elles sont assez bonnes pour l'âme et donnent pas mal de satisfaction en amour. Vous revenez de captivité. Oui. Mais moi, quoi qu'il arrive, je dis toujours patience, patience. Ça pourrait me faire juger superficiel. Mais au contraire, je suis un type qui réfléchit sur tout. Je dirais que je parle beaucoup de moi, hein? Il faut bien, hein? N'est-ce pas? Je dois me faire connaître. Non, j'ai surtout un grand besoin de tendresse. Ah, la tendresse, c'est surtout cela qui me manquait en captivité. Il y a longtemps que vous êtes libre? Pas mal de temps, oui. Si j'ai tardé à venir, c'était faute d'argent. Pour tout vous dire, cela m'oblige parfois à utiliser des expédients pas très louables. Mais enfin, pourquoi la ruse aurait-elle été donnée à l'homme et même à l'enfant s'il ne devait pas s'en servir, hein? Je suis fort et je suis rusé. Et pourtant, il m'est arrivé de travailler. Oh, mais c'est affreux! Travailler dans un grand moulin, j'écrivais sur des registres, là. Mais alors, tout de suite, je devins mélancolique. Les gens étaient tous stupides et ignorants. Tout le monde là-dedans était blanc de farine. Et puis, je pensais trop à cette maison. Pourquoi? Parce que j'en avais beaucoup entendu parler. La maison des trois femmes, des femmes toutes seules. C'est vrai, il y a une odeur de femme ici. Et puis, de quoi cela me servait-il de gagner ma vie au moulin et de m'acheter un complet de cheviotes grises si mon âme était triste? Non, non. Moi, ce que j'aime surtout, c'est méditer, c'est rendre simples les choses compliquées. J'aime lire aussi. On lit, on ferme le livre, on laisse un doigt entre deux pages, on s'endort. Puis quand on s'éveille, on s'aperçoit de tout le chemin que la pensée a parcouru toute seule. Je sais que le plaisir de la lecture est aussi celui que mademoiselle Sylvia préfère, n'est-ce pas? Oui. Ah, et la persienne? Je sais que la persienne qui bat empêche mademoiselle Sylvia de bien dormir. Ah, que je sais de choses, moi. Oui. Et les études, comment vont les études? L'université coûte cher, je crois, non? Assez, oui. Oui, mais c'est si beau de connaître la raison des choses. Et maintenant, nous sommes en vacances. Je n'ai pas été très bien portante cette année. Maman a voulu me garder à la maison pour que je me mette. Eh bien, vous êtes bien remise parce que vous avez de belles couleurs aux joues. Hein? Mais savez-vous ce que j'aime encore plus que méditer? C'est parler. Pas possible! Pour ça, je crois que j'oublierai peut-être de manger. Ces discours, ces conversations si belles. Parler, tomber d'accord, ou même ne pas l'être tout d'abord. Puis parlant, répondant d'une voix calme, mais non sans ruse, assaisonnant de boutade ses arguments, et savez-vous ce que l'on découvre, en fin de compte? Que l'on était d'accord. Et pourquoi? Vous ne le savez pas? Dites-le nous! Parce que les hommes le sont toujours, d'accord. Et bien sûr les femmes. Nous le sommes tous, et nous ne le savons pas, frères et sœurs! Frères et sœurs, et sœurs et frères. Mais le péché, comment l'expliquez-vous, le péché entre des sœurs et des frères? péché, il existe. Le noir levain de la terre fermente. Moi-même, je suis un très grand pécheur. Le noir levain de la terre m'attire vers la femme un certain nombre de fois par jour. Mais je réprouve cela. Je veux dire, enfin, mon âme ne désire qu'un fraternel voisinage. Seulement, si ce voisinage devient très vite coupable, eh bien, ce ne sera tout de même pas un abîme. Dieu a créé la matière pour satisfaire notre âme éternelle dont le désir d'amour a besoin d'un objet. Et qu'est-ce que le péché, sinon, pour notre âme, le moyen par lequel son amour est vaincu, comblé? Oui. Oui, ces idées sont un peu difficiles à comprendre pour les femmes, même intelligentes et cultivées. Mais voilà, il y a cela de certain que notre salut est à travers le péché. Et que c'est notre maudit orgueil et rien de plus qui veut le contraire. Vous avez vraiment connu mon père? Oui, mademoiselle. Je vous demande pardon, mais bien des familles ont été trompées. Vous douteriez de moi, vous? Vous avez parlé avec lui, vraiment? Mais toujours, pendant 3 longues années. Mais de quoi parliez-vous? De quoi? De quoi remplir pendant 3 ans, toutes les journées? Il m'a ouvert son cœur, c'est bien simple. Et puis quand il a deviné qu'il ne pourrait plus jamais revenir, eh bien, il a semblé désirer que je revienne ici à sa place. Alors je suis parti, je me suis mis en voyage, et quoique je voyais les endroits les plus beaux d'Afrique et d'Europe, bien cette maison n'en finissait plus de me faire signe. Elle m'appelait. Oui, j'aurais aimé être mieux vêtu pour mon arrivée. Mais je savais qu'un inconnu n'en est plus un lorsqu'il apporte des cadeaux en hommage. Et c'est pourquoi j'ai choisi pour vous, dans un des magasins les mieux achalandés de l'Afrique, de la soie. Faire une robe, qu'elle soit. Le marchand soupirait à la pensée de s'en démunir. Mais bon marché, somme toute. Pour vous, 2 grands flacons dorés de parfum de Paris. On m'a dit que c'était les meilleurs de la terre. Et pour vous, bien sûr, qui êtes la maîtresse de la demeure, il fallait des cadeaux de plus de prix. Et c'est pourquoi j'ai choisi des boucles d'oreilles, brillantes, avec une pierre noire, sertie. J'ai pensé aussi à des gâteaux, qui resteraient longtemps frais et tendres. Et puis à une petite bête. Petite bête que l'on garde dans une cage, grignotant des noisettes entre ses petites pattes. Bref, un charmant petit animal. J'ai mis le plus grand soin à choisir des cadeaux qui puissent vous plaire. Je ne suis pas allé jusqu'à les acheter, bien sûr, n'ayant pas d'argent. Mais je les ai choisis, et pour moi c'est pareil, et pour vous aussi, j'espère, non? Non, pardonnez-moi d'avoir plaisanté. Mais je pense que l'homme doit s'efforcer d'amuser les femmes. Quand l'homme la fait rire, eh bien la femme se sent protégée. Je vous demande pardon, mais il faut maintenant parler sérieusement. Aviez-vous un dessein précis en venant ici? Important, même. Vous avez réellement assisté à la mort de mon mari? Oui, j'étais là. Et il vous a laissé un message pour nous? Oui. Alors parlez. Je l'aurais déjà fait, mais ce que j'ai à dire ne vous concerne pas toutes les trois. Et qui cela concerne-t-il? Vous. Que veut-il encore de moi, mon mari? Je suis navré de vous voir si ému. Je ne suis pas ému. Vous redoutez quelque chose, alors? Je ne redoute rien. Vous devez bien le savoir, puisque vous parlez au nom de mon mari. Mais il ne vous a certainement pas dit la vérité, il disait rarement la vérité. Bien que parfois il crût la dire. Savez-vous seulement pourquoi mon mari s'en alla d'ici, pourquoi il fut fait prisonnier et mourut là-bas? La guerre, je suppose. Non. Mon mari m'a quitté, voilà tout. Je suis une femme abandonnée. D'ailleurs, j'ai toujours été seule, même lorsqu'il était ici. Cela, je l'ai compris plus tard. Pourquoi vous aurait-il quitté, selon vous? Il a eu honte. C'était un menteur tout gonflé de verbiage. Et c'est pourquoi je ne veux rien savoir de lui. Alors, pourquoi l'aviez-vous épousé? Cela non plus, il ne vous l'a pas dit. Pour partager son travail, pour vivre une idée commune. Je croyais en lui. Toutes ses élèves en étaient folles. Figurez-vous que c'était presque un apôtre dans notre petite ville. Et pourquoi êtes-vous venu ici? C'est moi qui l'ai voulu. Enrico s'était fait des ennemis. Lorsque l'opposition a commencé contre lui, nous restions 2. J'en eus de l'orgueil, nous 2 contre tous, ensemble. Puis je m'aperçus que ses envies, ses mesquineries, ses pièges abîmaient, salissaient quelque chose entre nous aussi. Moi, j'ai toujours voulu tout ou rien depuis mon enfance. Si une page de mon cahier se tachait, moi, je l'arrachais. Donc, je lui proposais de partir, tout quitter, les hommes, les compromis, la ville. Une revanche sur le monde. Nous 2, loin de tous, ensemble. Nos idées, notre amour, notre fameuse sincérité. Il m'embrassa, nous étions émus. Quelle farce! Je sais maintenant ce que vaut cette mauvaise rhétorique. Et nous sommes venus ici, voilà. Et ici? Ici. Rien. Le désert, le silence, les jours, toujours les mêmes. L'idée qui se répète et le sentiment qui se vide. L'usure. Mon mari a bientôt cessé de travailler. Il restait couché sur son lit des heures, puis des jours, sans une parole. Tout était devenu terriblement simple. Le matin, le soir, la nuit, le vent et les chèvres. Les chèvres? Oui. Elles tiennent une très grande place ici. Ce sont elles qui nous permettent de vivre. Du lait, du fromage, des chevreaux. Oui. On dit qu'elles ont les yeux tendres, ce n'est pas vrai. Elles ont des yeux mélancoliques, des yeux d'homme qui vous regardent vraiment. Oui, je sais. Quand je suis né, il y avait des pâturages. Oui. Je vous disais que mon mari et moi commençâmes à nous parler rarement, bientôt plus. La pensée a besoin de la parole, n'est-ce pas? C'est un fil qui la guide et la porte. Sans elle, tout est sombre, informe. Les seuls sons que je commençais à entendre, ce furent les bêlements des chèvres. Et puis un jour, mon mari s'est enfui, simplement. Peut-être qu'il s'ennuyait, lui aussi. Que lui reprochez-vous? De m'avoir trompé. De m'avoir fait croire en des choses auxquelles il ne croyait pas. Trompé. C'est vous qui vouliez l'être. Il vous fallait absolument avoir épousé un homme supérieur, n'est-ce pas? Ce qu'il fit après s'être enfui, il a bien dû vous le dire. Il a repris l'ancienne liaison et l'a mené une vie de débauche, d'humiliation. Il était retombé sur ce qu'il lui fallait. Et quand je pense à ma parfaite crédulité, cette confiance, une vie, ma vie, toute ma vie. Et maintenant, je suis ici et j'attends que les années s'écoulent. Et elles s'écoulent. On pardonne aux morts, comme ils nous pardonnent. Je n'y crois pas. Il n'y a pas de pardon dans la nature. Les lois de la nature sont toujours les mêmes, et pour tous. Lorsqu'un corps est trop lourd d'un milligramme, il coule et c'est fini. Et il n'a pas espéré le pardon. Ce n'est peut-être pas très sérieux d'imaginer Dieu comme un vieux monsieur impulsif qui d'abord se mettrait en colère et puis se calmerait benoîtement. Quel enfer. L'enfer. Quand j'étais petite, j'en rêvais. Maintenant encore. Maintenant encore? Oui. Plutôt qu'au chaos ou à l'indifférence, je préfère croire à un châtiment inexorable. S'il est inexorable, on peut n'y plus penser. En somme, tout cela vous a fait souffrir. Eh bien non. Justement, c'est là le plus curieux. Figurez-vous que je n'ai pas souffert. C'est tout autre chose. C'est ma confiance qui a été ébranlée. Votre confiance? C'est difficile à faire comprendre. Même à vous, sans doute, bien que vous sachiez tant de choses. Un jour. Un jour? Un jour, mon mari était déjà parti. J'étais couchée dans la bruyère. Les chèvres broutaient autour de moi. La journée était limpide. Je ne voyais plus les chèvres, mais je sentais leur odeur, j'entendais leur bêlement. Et je n'étais pas du tout triste. Plutôt indifférente, voilà, j'étais absolument indifférente. Peu m'importait mon mari et sa fuite, et qu'il mourût, et la maison, et la terrasse ici qui tombait en ruine, et ma fille comme tout le reste. Je pesais sur l'herbe de tout mon corps, je sentais mon poids, j'étais heureuse de le sentir. Quel repos! Il n'y avait rien d'autre, nulle part. Une chèvre vint me regarder. Et je fis bêle. Voilà. Je vais vous surprendre, madame. Je sais que la pensée de votre mari était revenue dans cette maison. Il me parla tellement de vous et de cette maison qu'il me semble vous avoir déjà connue, l'une et l'autre. Il savait qu'il pouvait se fier à moi, il me dit, « Angelo, ces trois femmes sont seules, va les aider. Retourne là-bas à ma place. » Et vous croyez ainsi, avec ces pauvres mots, vous assurer à boire et à manger? Telles furent les dernières paroles de votre mari, madame. Et un homme est utile ici. Il me parla aussi de ses livres, de ses travaux. Il pensait que je devais poursuivre son œuvre. Est-ce là la surprise annoncée? Non, pas tout à fait. Non, mais je cherche le moyen de vous la dire sans vous offenser. C'est de vous qu'il s'agit. Je sais très bien ce que mon mari a pu vous dire de moi. Je suis une femme absolue, une femme ridicule. Non, madame, non. Non, voyez-vous, il me parla beaucoup de vous plus encore que de cette maison, que de sa fille, que de n'importe quoi d'autre. Il ne me parla guère que de vous. Il ne me parlait pas des faits. Les faits n'ont pas d'importance. Non, c'était tout autre chose. Voyez-vous, les souvenirs sont comme les films. Le temps, la distance, les travails, comme un acide. Votre mari avait complètement oublié certains traits de votre personne. Mais d'autres lui revenaient très fort. C'était curieux. Deux hommes, seuls, comme dans une île. Je ne sais rien de toi, tu ne sais rien de moi. On parle, même ce dont on est le plus jaloux. Tout y passe. Puis il y a un moyen bien simple d'aborder les sujets délicats. On rit, on feint de n'accorder aucune importance et c'est alors qu'on dit des choses étonnantes. Car il ne disait pas toujours que c'était vous, le malin, non? Il parlait vaguement d'une femme. Mais moi, j'étais encore plus malin que lui. J'épiais, j'étais à l'affût, je recollais tout, je refaisais patiemment mon petit montage. C'était de vous qu'il s'agissait, uniquement de vous. Votre mari ne parlait que de vous, comme s'il était malade de vous. Que disait-il de moi? Vous étiez parmi nous. Comment étais-je? Nue. Toute nue. Pardonnez-moi, madame, mais il ne se souvenait de vous qu'à ce moment-là. Mais alors, avec une lucidité extraordinaire, son nez transpirait. Le plus léger de vos soupirs était parmi nous. Je vous avoue que j'étais intéressé. Bref, il ne me restait plus à connaître de vous que votre visage. Je comprends que vous vous sentiez offensé. Je sais que certains hommes échangent volontiers un certain genre de confident. Non, nous n'avions pas de femme, mais vous savez très bien que notre cas était tout autre. Non, non. Voyez-vous, madame, pardonnez-moi d'avance. Un homme et une femme s'embrassent. Puis quelque temps après, comment vous dire? C'est un moment vraiment singulier. Plus de monde, plus de mémoire, plus rien. Chacune des deux personnes se trouve alors à ce moment-là comme isolée, anonyme, comme pourrait l'être une pierre. Et c'est alors que de cette pierre jaillit un cri, l'amour, comme une confession douloureuse et brusque de cette pierre. C'est le secret des secrets, quelque chose d'extrêmement solitaire. Nul n'a le droit de l'entendre et nul n'a le droit de le répéter. Votre mari l'a écouté, le traître. Il me l'a dit, et moi je le sais. Vous pouvez vous en venir, ça m'aurait pu. Mais... c'est si que je vous connais. Vous-même ne savez pas qui vous êtes, mais moi je le sais. Qui suis-je donc? Pour que votre mari, alors que sa mort approchait, ait complètement oublié la femme que vous étiez pendant le jour, pour ne se souvenir que de celle que vous étiez pendant la nuit, il y a une raison. L'une était vraie, l'autre non. Qui suis-je donc? L'amour va dans le hallier, la chevelure défaite. L'amour se rue à la fête affreuse du sanglier. Voyez-vous, j'ai bien lu, bien réfléchi, il n'y a pas de religion qui n'ait de mythe sur cette fureur étrange. Chez vous, c'est Pasiphaé, celle qui s'abrutit jusqu'à se donner au taureau. C'est hideux, mais sacré. Ça n'est pas une honte, cela relève de l'âme plus que des sens. De l'âme insatisfaite et furieuse de ce qu'elle est, qui veut se déchirer, se flétrir, se guérir d'être humaine. Voilà ce que vous êtes, et vous l'aviez oublié. Il faut être ce que l'on est. Il faut l'être tout à fait, madame, quitte à y sombrer. Cela, je te le rendrai 25 000 fois. Je pensais sans cesse à toi. C'est pour toi que je suis venu ici, parce que j'aurais été malheureux partout ailleurs. Toutes les nuits, tu t'approches de mon lit et tu te déshabilles et nous sommes ensemble. Et c'est ici que nous continuerons, parce que cela est juste et raisonnable et que tu ne veux rien d'autre. Pia, Sylvia! Voilà! Voilà! Il y a du pain, il y a du fromage aussi, si vous voulez. Vous devez avoir faim? J'ai faim. Et bien sûr que j'ai faim. D'ailleurs, tout cela, je vous l'aurais demandé moi-même. Eh bien, vous autres, vous ne dînez pas? Il va bientôt faire nuit. Il y a longtemps que nous avons dîné. Nous avons pris les habitudes des paysannes d'ici. Dans une demi-heure, nous serons couchés. Ah, vous goûterez bien cela avec moi. Pour une fois, vous n'en mourrez pas. Apportez des verres. C'est mon ami Enrico qui a mis cette liqueur en bouteille. Il sera ravi que nous la buvions ensemble. Vraiment que j'apporte des verres? Bien sûr, vous allumez la lampe. Je ne fais rien si vous n'avez pas de chambre. Là-dessus, je dormirai très bien, mieux que dans un lit. Suffit de les étaler un peu. Là. J'en ai vu d'autres. Eh bien, vous ne buvez pas. Allons. J'étais un troupeau sans berger, là. Il a suffi de la voix d'un homme pour vous sentir toute ragaillardie. Quel bon fromage vous donnent vos chèvres. Chez moi. C'est curieux, cela nous ramène à notre conversation de tout à l'heure. On dit qu'à force de rester à longueur de temps avec leurs bêtes, ils en oublient le langage et les coutumes des hommes, les bergers. Alors quand ils se croient seuls, ils bêlent, bêlent, bêlent, bêlent. Ils ne s'en vantent pas, mais on les a surpris. Puis on s'en rend compte sans peine, parce que lorsqu'ils parlent avec des hommes, ils sont comme distraits, les bergers. Et les chèvres deviennent amoureuses de leur berger. Elles le regardent. Elles ne veulent plus s'éloigner de lui. Elles l'effleurent doucement de leurs petites cornes. Et le berger comprend. Les femmes des bergers le devinent et s'en désespèrent. Et c'est pourquoi l'on dit dans les villages et les prairies que le meilleur berger... c'est le diable. Eh bien, vous ne buvez pas. Merci, Enrico. Cette liqueur était excellente. En temps et lieu, nous goûterons aux autres. N'est-ce pas, Enrico, que tu veux que je reste ici, au moins jusqu'à la rentrée des foins? Chut. Il a dit oui. Vous aimez la genièvre, hein? Oui. Mais comment pouviez-vous faire ici sans hommes pour les travaux difficiles, en hiver? Et la compagnie, hein? Et c'est vous tous, c'est bibébo, bibébo. Allez, la sitcha, falumana. Bibete, bibete, bibete, va. Bibete, bibete, bibete, va. Une chanson bien longue, ça veut dire. Toi, la femme, quand l'homme rentre, ôte-lui ses bottes, lave-le. Puis quand tu l'auras lavé, essuie-le. Puis quand tu l'auras essuyé, donne-lui à manger. Puis quand tu l'auras nourri, donne-lui à boire. Et quand tu lui auras donné à boire, couche-le. Et quand tu l'auras couché, eh, ça continue, ça continue. Il y en a, il y en a, il y en a. Allez, chantez le refrain avec moi, là. Allié la sitcha falumana, bivete, bivete, bivete, ba, bivete, bivete, bivete, ba. Allez, toi aussi. Et c'est vieux tout, c'est bivebo, bivebo. Allié la sitcha falumana, bivete, bivete, bivete, ba, bivete, bivete, bivete, ba. Allié la sitcha falumana. Écoutez-moi. Je suis forcée de vous dire que nous ne pouvons pas vous garder. Ce que vous avez dit est sûrement vrai, vous avez été l'ami de mon mari. Mais nous n'avons pas les moyens de vous recevoir ici comme vous le méritez sans doute. Vous vous êtes reposé, vous avez mangé un morceau, je vous prie maintenant de vous en aller. Il faut que je parte? Oui. Bonsoir. Tu as eu raison, on ne pouvait pas le garder. Nous sommes trop isolés dans cette maison. Je vais me coucher. Il y a assez d'histoires comme ça, de vagabonds, de déserteurs. Ils s'introduisent dans les maisons, puis pendant la nuit, ils tuent, ils incendient. On n'était pas tranquille avec cet homme. Je voudrais bien savoir pourquoi nous ne retournons pas à la ville. J'en ai assez de me coucher parce qu'il fait nuit et qu'il n'y a rien d'autre à faire. J'en ai assez de travailler de mes mains toute la journée. Je n'aimais pas le mariage de mon frère, je ne l'ai jamais approuvé. Je ne suis pas ta servante. C'est toi qui as décidé que nous resterions à moisir ici, avec le vent, le matin, le soir, la solitude à devenir fou, les chèvres, la persienne, pim, pam, bé, bé. Si tu aimes ça, tant mieux. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Son sac, il l'a oublié pour revenir. Il l'a fait exprès. Il va revenir. Il n'y a personne. Rien. Des nippes. Elles sentent la sueur que c'est dégoûtant. Dégoûtant! Bonne nuit, mon chéri. Jamais raconté l'histoire de la bouteille de vin de Grèce. Non. Naturellement, pour la comprendre, il faut savoir que dans mon pays, on ne cultive pas la vigne. Que le vin vient de l'étranger. Pour moi, je désirais en goûter. Ah! Bah sans dire que je voulais en boire sans payer. Donc un jour, je me présente dans un débit qui portait un écriteau. Exquis vin de Grèce à déguster. Le marchand de vin était une espèce de paysan sale, grossier, un gros lard couvert de poils, un petit vraiment répugnant, voyez. Il se tenait comme ça. Moi, les paysans, j'ai toujours détesté les paysans, mais celui-là, alors je décidais de le rouler. Je le fixais froidement, comme ça, et puis avec un accent distingué, je lui dis « Monsieur, avez-vous du vin de Grèce ?»« Il y a un écriteau, vous ne savez pas lire. » Il n'avait même pas levé les yeux. Je voudrais en acheter 2 douzaines de bouteilles de ses yeux. Tout petit comme ceux des porcs, jaillit un regard au 50e de seconde, le temps qu'il faut pour une photo en plein soleil. Je ne branchais pas. Naturellement, je désire déguster d'abord. Pour la dégustation, faut payer. Oui, mais quand un client vient pour en acheter 2 douzaines de bouteilles, qui déguste, paye. Et il se remet à son journal. C'est tordure. Bon, je laisse s'écouler 3 semaines. Sylvia n'est toujours pas rentrée? Non. C'est vraiment pas où elle est allée? Non. Bon, alors je laisse s'écouler 3 semaines. Pour laisser à ses petits yeux de porc le temps de m'oublier. Puis quand je me représentais, je m'étais déguisé en paysan. Alors j'étais encore plus repoussant que lui. J'étais sale, je sentais mauvais. Lui, il n'avait pas bougé. Il était là, toujours, à son journal, comme si entre-temps, on l'avait empaillé. Je lui expliquais que j'étais commis chez le gouverneur, que le sommelier du gouverneur m'avait envoyé lui acheter 2 ou 3 paniers de vin de Grèce pour son maître. De ses yeux ridiculement petits jaillit l'habituel regard au 50e de seconde. Je ne bronchais pas. Je lui expliquais que s'il se méfiait, il n'avait qu'à téléphoner au palais du gouverneur pour que je puisse demander au sommelier, si vous voulez demander au gouverneur, si je devais acheter 2, 3 ou même 4 paniers. Je compris qu'il avait donné dans le panneau. Il chercha le numéro, le format, me tendit affectueusement le récepteur. J'entendis au bout du fil des mots étranges, et plutôt insultants. Je n'y prêtais pas garde, et je répondis comme si je m'adressais au sommelier. Lui, il m'a regardé avec tendresse. Je raccrochai. Alors, tu as parlé avec le sommelier du gouverneur? Oui. Il veut 3 paniers. Seulement, voilà, il voudrait que je goûte le vin d'abord pour voir s'il est bon. Mais parfaitement, ce qui est juste et juste, tu vas en déguster un bon verre. Tout près de là, sur un rayon, il y avait une bouteille avec une étiquette vin de Grèce. Non, pas celle-là, me dit la brute. Non, il manquerait plus que ça. Non, toi, je veux que tu le dégustes bien frais, là, débouché spécialement pour toi. Et il court, il vole dans l'arrière-boutique avec un zèle qui m'inquiète. Puis revient avec une bouteille qu'il débouche et place devant moi et s'apprête à me servir. Alors là, je l'arrête. Mais au moins, est-il bien frais? Oui, il sort de la cave, il est à peine débouché. Oui, mais quand même, je voudrais un morceau de glace. Un morceau de glace, mais bravo, mais tu es un connaisseur, un morceau de glace, mais bravo, je cours t'en chercher un. Et il court de nouveau dans l'arrière-boutique. Me laissant seul dans le bistrot, je l'entendais casser sa glace. Puis revient avec un morceau qu'il met dans mon verre, le remplit jusqu'au bord et le pousse devant moi. Je bois. Je m'essuie les lèvres. Alors, tu l'aimes, hein, le vin de Grèce? Oui. Tu en veux un deuxième verre? J'hésitais. Alors il se fâcha, devint tout rouge, cria d'une voix terrible que si je n'en buvais pas un deuxième verre, il appelait la police immédiatement. Bon. Je bois un deuxième verre. Et je dis, il n'est pas mauvais. Alors, les vitres tremblaient. C'était le patron qui riait. Ha ha ha! Eh ben, tu tiens le coup, toi, hein? Tu étais venu ici pour me rouler et tu es tombé dans ton propre piège. Ça n'est pas du vin de Grèce. C'est du vinaigre vieux de 7 ans, pire que de l'acide sulfurique. Ce soir, à l'hôpital, demain, tu es mort. Moi, je balbutiais, mais vous avez vous-même téléphoné au gouverneur. Le gouverneur, me parle pas du gouverneur, c'était ma belle-sœur, la sage-femme. Ce soir, à l'hôpital, demain, fichu. Voulez-vous m'en donner un autre verre? Un autre verre? Oui, un autre verre. Tu veux te suicider? Oui. Je bois, puis je rebois. J'embrassais le patron sur le front. Je rebus encore un autre verre. Il m'a regardé sidéré. Et puis la bouteille devint si légère que je la pris au goulot et la vidai tout entière. Je lui fis une caresse sur sa joue bouffie et je gagnai la porte. Je ne l'avais pas refermé que j'entendis un vacarme épouvantable. La brute était tombée foudroyée. Il avait enfin compris qu'il avait commis une grave erreur en allant chercher sa glace dans l'arrière-boutique. Pendant ce temps-là, j'avais échangé les 2 bouteilles et j'avais dégusté le fameux vin de Grèce. Angelo, tu es un imposteur. De toutes les histoires que tu nous racontes, pas une seule ne t'est arrivée à toi. Tu es un coquin. Oh, un coquin. Je suis le premier à le reconnaître. C'est vrai, vous prenez soin de moi, vous travaillez pour moi. Donner à manger, vous pensez même à mes vêtements. Alors que... Je ne sais vraiment pas où est allée Sylvia. Non! Alors que savez-vous ce que vous devriez faire? Prendre un fouet et... Bien sûr que nous devrions le faire. Oui, parce que je suis un paresseux. Je ne travaille pas. Je bricole. Je suis même un peu menteur. Je demande parfois si je ne suis pas un parasite. Tu l'es! Tu es un fainéant! Ma chère, chacun sait que pour le travail, l'un, il y a plus de penchant, et l'autre moins. Ce matin, par exemple, j'étais là en train de couper du bois. Et tout à coup, m'est venue l'envie de me reposer. Eh bien, je me suis assis. Et voilà. Et voilà qu'il m'est venu des pensées si belles, si délicates, que ça aurait été un crime que de les chasser, ces pensées, pour me remettre à couper du bois, des pensées... Tenez, moi, j'ai voyagé sur un grand bateau de luxe où même les assiettes, hein, même les plats étaient en argent. Et ben, me disais-je, mais à quoi bon tout ce dérangement? Mais je suis ici, à l'ombre. Je ne fais rien, je pense. Eh bien, cela me donne tous les royaumes du monde, et l'Amérique, et l'éternité. Et ce vol plus rapide que l'aigle, c'est l'âme. N'est-ce pas, Sylvia, chérie, que tu penses comme moi? Tu es en train de dire que lorsque tu entres, tout s'illumine. Et aujourd'hui, tu es encore plus rayonnante, plus attirante que d'habitude. Et pourquoi n'entres-tu pas? Viens te mettre ici, là, à côté de moi, viens. Tu ne te sens pas bien? Tu ne t'es pas bien reposé cette nuit. Elle est pourtant en bonne santé. Parle donc, petite sotte. Enfin, c'est curieux que... cette petite soit toujours dehors. On dirait qu'ici, dans cette maison, quelque chose lui déplaît. Si c'est cela... Ouvre la bouche, idiote! Si c'est cela, nous sommes tout prêts à y porter remède. Dis-lui, toi, Agatha. Et toi aussi, Pia, dis-lui. Pia! Pia, c'est à toi que je parle! Pardonnez-moi, je me suis permis de parler un peu fort, bien que je ne sois que votre serviteur. J'ai appris aujourd'hui que c'était les dernières heures du séjour de Sylvia dans cette maison. Elle part, elle nous quitte. Aujourd'hui, est-ce qu'on nous dit dans quelques heures? Je suis navré. Bien sûr, les études, l'université... As-tu prévenu le vieil Eduardo? Oui, il donnera un coup de klaxon sur la route, je descendrai avec la valise. Tout est prêt? Oui. Le vieil Eduardo ne viendra pas avant ce soir. Tout le monde serait bien content si votre petite Sylvia changeait d'avis. Entre-temps. Je me souviens de cet habit. Papa le portait pour la chasse. Oui, je crois. Vous aurez du travail. Angelo est plus grand. Ces vêtements s'abîmaient. Au moins, ils seront utiles à quelqu'un. Il n'y avait pas que des vêtements dans la commode de papa. Ce qui restait, je l'ai pris. Qu'est-ce que c'était? Qu'as-tu pris? Rien qui pût vous servir. Maman, il fallait que je parte. J'aurais dû le faire plus tôt à cause de l'école. Et puis, cette chaleur, cette solitude. L'autre nuit, avec la persienne, je n'ai encore pas pu dormir. Si j'avais continué à rester dans cette maison, je serais vraiment tombée malade. Mais oui, ma chérie. Je suis sûre que ça te fera le plus grand bien de t'éloigner d'ici quelque temps. Où vas-tu? Préparer ton départ? T'en vas pas, maman. C'est pour te parler que je suis ici. Bon, je t'écoute. Maman, nous n'avons jamais pu être seules toutes les deux ces derniers temps. Ce que je voulais te dire, c'est que beaucoup de choses me choquent ici. Je suis gênée, voilà. Tu comprends? C'est la présence d'Angelo qui te choque. Oui. Les femmes ne sont pas bonnes pour tous les travaux des champs, il fallait un homme ici. Mais cet homme ne travaille pas, il parle, il ne fait rien. Peut-être lui faut-il un peu de temps pour s'acclimater. Ce type-là ne fera jamais rien, maman. Qu'est-ce que tu en sais? Eh bien, nous le renverrons après la récolte. Il ne s'en ira pas, je sais qu'il ne s'en ira pas. Ses papiers ne sont même pas en règle, nous pouvons le faire expulser, qu'est-ce que tu veux de mieux? Maman. Oui. L'autre jour, je suis allée au village. Eh bien? Les gens me regardaient. Ils te regardaient? Et puis, j'ai causé avec le vieil Eduardo. Tu as eu tort, c'est un vieux fou. Il m'a dit que tout le monde parle de cet homme et de nous. Et que dit-on? Que nous l'entretenons, que nous faisons des dettes pour l'entretenir. Voilà une bêtise, tu le sais bien. On dit que ce n'est pas bien pour nous qui sommes des femmes de le garder dans notre maison. On dit. Les gens disaient bien quelque chose d'équivalent. Quand je t'ai envoyé faire tes études à la ville, une jeune fille seule au milieu des hommes, cela aussi c'était mal. Pour moi, je sais que ces gens sont méchants et bêtes et peu m'importe leur opinion. Je sais que tu te soucies peu des gens, mais de moi, est-ce que tu t'en soucies? Pourquoi me poses-tu cette question, Sylvia? Je ne veux pas qu'il porte les habits de papa. Je ne veux pas qu'il dorme dans sa chambre. Il ne peut pourtant pas dormir par terre. Je suis malheureuse à cause de papa. Avant, il me semblait presque qu'il était seulement parti, qu'on l'attendait. Maintenant, il est parti pour toujours. C'est à cause de papa. Je t'ai pourtant entendu rire bien souvent depuis sa mort. Je pensais que tu avais été la première à l'oublier. J'ai ri. Mais je ne suis que sa fille. Et moi, sa femme. N'est-ce pas? C'est pour ça que je ne devrais pas l'oublier. Écoute, ma chérie. La vie commune d'un homme et d'une femme, mes dettes envers ton père, les siennes envers moi, représente un compte trop difficile pour qu'un étranger puisse le mettre au net. Or, un enfant est un étranger sur ce point-là. Arrêtons-nous là, Sylvia. Dans peu de temps, loin d'ici, tu verras. Bien des choses perdront beaucoup de leur importance. Tu retrouveras tes amis, tu te distrairas. Et Pia? Pia? Oui, maman, Pia. Mais quoi? Qu'y a-t-il avec Pia? Elle regarde cet homme. Qu'est-ce que tu vas chercher? Elle le regarde, je ne me trompe pas. Peut-être. Elle est un peu comme ça, Pia. Il ne faut pas en faire un monde. Maman, c'est cet isolement ici qui m'effraie. Tu comprends? Nous sommes toujours seuls, alors les choses les plus incroyables commencent à sembler naturelles, tranquilles, proches, et puis chacune en entraîne une autre, toujours un peu plus loin, comme en rêve. Je crois que c'est comme ça qu'arrivent ces choses affreuses que les gens lisent sans y croire. Et elles sont vraies. Mais puisque tu pars ce soir, que t'importe? Maman, je suis sûre que cet homme est d'accord avec Pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Qu'il y a quelque chose entre eux. Mais non, Angelo aime me plaisanter, voilà tout. Je les ai vus, je les surveillais. Pourquoi tu fais ça? Hein, pourquoi? Mais non, tu te fais des idées. Maman, depuis que je te parle, tu fais exprès de pas comprendre. Comprendre, comprendre quoi? Pourquoi continues-tu à faire semblant? Je ne fais pas semblant, Sylvia. Je te prie de nous épargner des paroles qui n'ont aucun sens entre une mère et une fille. Toi aussi, je t'ai vu. Toi et cet homme, vous donniez pas beaucoup de peine pour vous cacher. Tu sais très bien que c'est pour ça que je pars. Mais tu ne pouvais pas partir sans rien dire. Pourtant, toi et moi, nous avons vécu dans un monde où tant de faits et gestes sont acceptés si tranquillement. Nos livres, nos amis, notre éducation nous ont habitués à comprendre, à savoir vivre. Et moi, Sylvia, je ne t'ai jamais interrogée sur ta vie à l'université, sur tes amis. Tu n'es plus une petite fille, j'accepte que tu sois seule à répondre de tes actes. Moi, Sylvia, je ne t'ai jamais posé de questions. Alors tu penses que je manque de tact, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas tout dit, nous devons parler. Sylvia, c'est maintenant une question de simple éducation. Il y a des bornes que l'on ne peut permettre à personne de franchir. Je sais que tu n'as rien d'important à me dire. Maman... Assez! Laisse-moi seule, puis tu reconnais-moi au moins le droit de rester seule. Tu es à un âge où l'on voit mal, où l'on entend mal. Oh, maman, comme tu dois souffrir. Tu mens, tu t'humilies. Toi, si orgueilleuse et si sincère. Mais qu'est-il arrivé, maman? Comment tout cela a-t-il pu arriver? Tu veux que je me taise? Mais je suis ta fille, tu es ma mère. Et après? Une sorte de lettre de change, un papier signé. Ta mère pour toujours et puis rien d'autre. Ta mère morte, vivante, embaumée, c'est comme ça que tu veux ta mère? Non, maman, ce n'est pas ça. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de toi. J'aurais voulu me sacrifier pour toi. Quelquefois, le soir, je te regardais. Tu fais la lumière de la lampe dans tes cheveux. Un portrait qui jaunit tranquillement dans un tiroir. On le retrouve, on s'attendrit, on n'a plus à s'en occuper. Mais tout change. Le portrait bouge. Toi aussi, tu as changé, le sais-tu? Je me souviens de ta petite voix. Maintenant, tu es une femme, une autre. Je ne sais plus qui tu es. Ta voix qui change parfois m'agace. Mais moi, j'ai toujours cru en toi, maman, plus qu'en tout. Tout était propre sur la terre quand tu étais là. Mais que savais-tu de moi? Étiez-vous sûre de bien me connaître? Je suis seule et je l'ai toujours été. Ce ne sont pas vos regards qui m'ont aidé à vivre. Dis, t'es-tu demandé à quoi je pensais avec la lumière de la lampe dans mes cheveux ou la nuit quand je m'éveillais? Dis, que savais-tu de moi? Je savais ta vie, ton courage et ce que tu me disais et tes idées. Les idées de ton père. que j'ai dit et que j'ai entendu de mensonges. Oh, ne me tourmente plus, ne me tourmente plus, toi. Je ne sais vraiment pas ce que nous pourrions encore nous dire. Et Pia? Qu'est-ce que Pia vient faire dans tout ça? Tu le sais mieux que moi. Tu l'as toujours su. Tu t'es résigné même à ça. Tu as permis que cet homme vous séduise, toi et Pia, comme deux juments dans une étable. Et si demain c'était mon tour, tu le permettrais. Tais-toi, Pia, écoute sûrement quelque part, cela rend tout encore plus mais ridicule. Mais écoute, moi j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Depuis le premier jour, j'ai compté vos respirations. Le sort de France, quel verbiage. Pour des choses si vaines, si misérables. Laisse-moi tranquille. Puisque tout cela te fait horreur, va-t'en. Maman, dis-moi quelque chose. Quoi que j'ai fait, quoi que j'ai dit, le moment est venu de me laisser tranquille. Je veux le repos, enfin, le repos. Celui de l'herbe, des bêtes, celui des pierres. Je veux cela, être tranquille. Dis-moi quelque chose, maman. Je n'ai rien entendu de ce que tu m'as dit des mots. Ton père aussi disait des mots. Tu m'ennuies, Sylvia. C'est lui qui a fait ça. Il est entré ici comme une bête affreuse. C'est lui qui t'a entraîné, qui t'a sali. Et s'il me plaisait de lui obéir, sa voix me convainc. Maintenant, tu ne pourrais pas lui dire non? Je veux dire oui, quoi qu'il demande, oui. Tu veux te soumettre, lui obéir? Oui, toujours oui. Maman, sais-tu ce qu'on dit au village? Que moi aussi. Moi aussi, tu comprends, toutes les trois. J'ai vu ton visage quand tu allais à lui et le visage de Pia. Et quand on me regarde, j'ai honte comme si je vous ressemblais. Mais ne comprends-tu pas que de cette horreur, il en naîtra d'autres? Et des douleurs et des remords. Viens avec moi, maman. Allons-nous-en. Laisse-moi tranquille. Viens avec moi, je t'en supplie. Mais laisse-moi tranquille. Tant pis pour toi. Je mettrai fin à tout ça. Je le tuerai. J'ai pensé à tout, c'est très simple. Je lui dirai de venir ici, il viendra. Je dirai de regarder là, dans les vêtements de papa. Et moi, derrière lui, tout près. J'ai le revolver de papa. Mais non, tu ne tireras pas, tu le sais très bien. Mais enfin, Sylvia, quelles sont tes raisons? Les vrais! Pourquoi tu nous as surveillés? Pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi? Mais pourquoi? Comme tu es pâle, Sylvia. Il est arrivé quelque chose? Sais-tu où, Angelo? Tu veux lui parler? J'ai quelque chose à lui dire. Maintenant? Tout de suite? Tout de suite. Es-tu bien sûre de ce que tu veux lui dire? Oui. Assieds-toi. Je suis tout en sueur. Je vais aller le chercher. Angelo! Angelo! Angelo! Angelo! Sylvia, je pensais pas que tu aurais ici. Angelo! On m'appelle et ce n'est pas toi. Il m'appelle. C'est vrai, nous ne faisons que courir l'un après l'autre dans cette maison, et moi je cours le plus de tous les quatre. Je suis un vrai chat. Sylvia, je ne pensais pas te trouver ici, mais à vrai dire, je l'espérais. Tout s'éclaire quand tu es là, je te le dis souvent. Je vais être franc. Je te cherchais. Même j'attendais que tu sois seule. Hmm? Je voulais absolument te parler avant ce maudit départ. Oui, tu sais, tu me méprises. Tu n'as pas tort. Quand je te vois triste et malheureuse, ben je ne peux pas le supporter, là. Ça me fait trop de peine. Tu es trop jeune, trop gentille pour que je le supporte. C'est pour ça que je suis ici. Il faut que je te parle. Moi aussi, je veux vous parler. Toi aussi? Oh, que je suis content. Toi aussi? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Je suis impatient de savoir ce... Ouais, oh. Tu as des reproches au bord des lèvres. Oui, j'espère ne plus jamais les mériter. Il y a eu des fautes de fait, mais... Est-ce moi, est-ce ta mère et ta tante? Tout le monde peut en commettre ici-bas, non? Nous allons tout remettre en ordre. Sylvia, ce départ n'aura pas lieu, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui te déplaît? Les habits de ton père. Oui, bien sûr. Ça n'avait pas été très délicat en pensant pouvoir les porter. Tu en as souffert. Eh bien, ils resteront ceux de ton père, je ne les toucherai pas. Voilà. C'est cela ce que tu voulais, rien que cela? Allez les regarder. Hmm? Pourquoi? Qu'est-il donc? Hmm? Quelque chose que je ne vois pas? Non, je ne vois rien. Mais penchez-vous! Angelo! Hein? Angelo! Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut te tuer. Qui? Sylvia. Elle te dit de te pencher, puis elle va tirer. Je te dis qu'elle tirera, elle a ce qu'il faut. Je te remercie, puis... C'est très important ce que tu m'as dit là. Ça valait vraiment la peine que tu cours pour me le dire. Tu peux t'en aller. Non. Vois décidément rien dans les habits de ton père. Je regardais mieux. Je vais me mettre à genoux. Va-t'en, pire. Tu voulais me tuer, hein? Tu voulais me tuer, hein? Une mort rapide, une mort de bœuf à l'abattoir. Oui. Tu avais une arme? Donne. Me tuer, m'assassiner. Elle me hait. Comprends-tu, Pie, hein? Elle me hait. Hmm? Tant qu'elle vivra, ma vie sera en danger. Elle me hait. As-tu compris, Pie, hein? Mais là, en ce moment-là, je pourrais être là, immobile, là, la tête écrasée. Elle était là. Et moi, je me penchais, je me mettais à genoux. Et elle, où voulais-tu appuyer l'arme? Là, sur la nuque, hein? Moi, là, et toi, là. Tomber contre les pierres. Me casser aussi les dents. J'étais là, un œuf écrasé. Couvert de sang, le crâne et la cervelle éclatées. Garce! Sale petite garce! Garce! Garce! Garce! Garce! Garce! Sale petite garce! Je suis brutal. Je suis brutal et injuste, peut-être. J'ai honte, la colère et l'aide. Tu ne souffrais pas suffisamment. Oh, petite, bien au-delà de tes forces. Agathe, notre petite Sylvia, elle a été capable, elle est venue, elle l'a cachée. Je suis entré, elle m'a... Oh, non. Elle est malade. Elle est très malade. Que pouvons-nous faire pour la guérir? Mais je donnerais tout, moi. Tout pour notre petite Sylvia. Tout, sauf ma vie. Elle veut mourir. La pitié, mon foi, lui souhaiterait presque. Sylvie, si tendre, si délicate, et rongée par un mal si horrible, une vraie fleur, la meilleure d'entre nous, est vouée au long des années à se faner, à se salir, oui, se salir, se gonfler de graisse et de péché. La pitié souhaiterait presque qu'une main l'accueille, cette fleur, pour qu'elle ne soit pas perdue. Ne vaudrait-il pas mieux? Non. C'est impossible, et pourtant, c'est un rêve ou une pensée. Il me semblait que nous étions réunis ici tous les quatre, le soir tombé. Et notre petite Sylvia pleurait toutes les larmes de son corps. Elle ne pouvait pas supporter une nuit de plus le bruit terrible de la persienne. Pim, pam. Elle avait sans doute deviné qu'elle allait faire grand vent. Alors elle se leva et dit, j'irai arracher la persienne. Et moi je lui dis, mais non Sylvia, c'est très dangereux. Et elle sourit. Oui, elle sourit. Et j'en fus étonné. Et elle dit non, laisse, cher Angelo, que le destin en décide. Dans un cas comme dans l'autre, je n'entendrai plus la persienne et je pourrai reposer tranquille. Maman. Qu'est-ce que tu veux me dire? Maman, je suis déjà perdue. Un jour, je suis allée à lui, c'était pour le chasser. J'étais si triste. Si triste. Je t'aimais tant quand tu étais petite. Tu étais si tendre et si délicate. Et tu me faisais tellement pitié. Maman. Maman. Où va-t-elle? Pourquoi lui demandes-tu? Hypocrite. C'est très bien ce que tu penses. Tôt ou tard, elle montera sur cette maudite terrasse. Elle y est peut-être déjà en ce moment. Oui, et moi j'aurais pu être là. Les mouches seraient déjà arrivées. Avons-nous le droit d'intervenir? Non, c'est au destin de répondre par oui ou par non. C'est à toi de parler, Agatha. Parle! Parle donc, c'est ta fille. Ne laissons pas trop courir notre imagination. Et moi d'ailleurs, il s'en est fallu de bien peu là. Par terre, là, et c'était fini, et fini pour de bon. Et l'imagination, eh bien l'imagination n'avait plus rien à y faire. Non, bien sûr, il n'arrivera à rien. Oh, je suis pas à mon aise, un peu agité. Qu'il est donc difficile de rester humain, innocent et vivant. Mais pourquoi une telle épreuve nous était-elle réservée? Mais pourquoi notre Sylvia devait-elle en arriver? Mais enfin, elle a tout de même pris une arme, elle voulait me tuer. Non, pourquoi? Angelo, tu es idiot! C'est la grande peur que tu as eue qui t'a rendu idiot. Tu ne sais pas pourquoi Sylvia a pris une arme? Parce qu'elle est amoureuse de toi. Que les actions humaines sont donc mystérieuses. Parfois deux vents contraires soufflent sur la même voile. T'appelles ta fille! Va la chercher! Cours la chercher! Vite! Vite! Sylvia! Sylvia! Sylvia! Sylvia! Sylvia! Sylvia! Vite! Vite! Vite! Allez, bouge pas, vite! Vite, elle est toute froide, vite! Donne-lui à boire, là! Là! Voilà! Va mouiller-lui les lèvres, vite! Voilà! Mais oui, voilà ce qu'il fallait. Vous trois, bien unis, d'accord. Et voilà qui réconforte et qui console. Nous avons failli perdre notre petite fille alors que tout était si simple. Qu'est-ce qui était simple ? Mais tout ! C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que notre petite fille luttait contre elle-même. De quoi avait-elle besoin ? Mais de tendresse, d'entente. C'est-à-dire que Sylvia ne partira pas, ni ce soir, ni jamais. Le vieil Eduardo va venir, et bien elle repartira seule, ce sale vieux. Et notre petite fille restera avec nous, calme, tranquille. Nous quatre. Auriez-vous préféré qu'il y ait du sang ici, ou là-haut ? Pourquoi toujours mal interpréter mes paroles ? L'orgueil ! Toujours, voilà votre maudit orgueil. Nous quatre. Pourquoi tout gâcher? Pourquoi tout haïr, nous quatre? Angelo! Tu es fou! Je respecte la vie, toute la vie. Je ne marcherai pas sur une toute petite bête. Tout ce qui vit est si délicat, si éphémère. Pourquoi tout haïr? Tout ce que veut notre âme est innocent. Elle est comme une petite main que tente un petit enfant. Angelo, tu es un fou! Un fou! Agatha, tu restes là à l'écouter? C'est moi qui vais me jeter du haut de la terrasse! Pia! Va me chercher ma valise et mon sac, je m'en vais. C'est fini, je m'en vais. Voilà, je crois que ça arrange tout, le vieil Eduardo va venir, c'est moi qui l'emmènera. Toi partir? Tu parles! Je ne crois pas, je ne peux plus rester ici, au milieu de vos sales disputes, de vos méchancetés, je m'en vais! Angelo, que fais-tu? Je m'en vais. Mais attends! Non, tu sais très bien que quand j'ai décidé quelque chose... Mais rien n'est encore décidé, attends! Non, je m'en vais. Puisque je pèse moins que vos sales préjugés, je m'en vais! Je suis vivant par hasard, et là-dessus, on me soupçonne, on cherche à m'humilier! Mais qui t'humilie? Quelle ingratitude, quelle méchanceté! Angelo, je t'en prie, voilà plusieurs mois que tu es ici, ne pars pas comme ça! Attends! Viens. Viens. Ici, nous sommes tous fous. Qu'est-il en train de nous arriver? Lâche, imposteur, escroc! Non, non. Escroc! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sylvia? Mais tu es mouillée sous les bras. Tes seins, tu en as presque plus que moi. C'est trop, c'est gênant. Tes seins, tes flancs, ta sueur. Je ne pourrais pas. Le camion, c'est bien. Eduardo va arriver. Il va s'arrêter. Toi de décider maintenant. Tu es libre. Tu es libre, chère Sylvia. Voilà. Il va s'arrêter. Pia ! Toi, dis-lui qu'elle ne part plus. Oui, c'est ça. Une autre fois. Au revoir. Elle était simple, je n'étais pas forcé. Hein? Vous autres, toutes les trois, vous voulez toujours être un petit peu forcé, là. Hein? Non, guidé, protégé. Votre petite Sylvia qui croyait que nous voulions la chasser, comme elle a souffert. Regardez, il y a un petit oiseau après l'orage. Et vous deux, vous avez l'air de poules ébouriffées. Et maintenant, voici tous les quatre. Et réunis non pas pour des choses basses et matérielles, mais frères et sœurs, et nous avons crié, nous nous sommes chamaillés, maintenant voici la paix. Le soir tombe, et la lune va naître. Ferme la porte, Pia. Ferme! Pousse le verrou. Nous importe le vieil Eduardo et sa guimbarde et le monde entier. Ferme! C'est du dehors que nous viennent les moustiques et les doutes. Ferme! Dehors tout ça! Nous seuls! Nous voici tous les quatre. Comme des petites bêtes des champs. Sages, fidèles. Enjouée. La maison est comme une noix. Toute noire dehors, au-dedans, bien douce. Non, mieux comme une île. Une île sur la mer, mais elle flotte avec ses lisières d'argent. Et nous quatre, couchés sur l'herbe. Et dans chaque brin d'herbe, la brise, avec un léger sifflement. Puis l'air, puis les nuages, et puis nous seuls, libres, libres. Ce soir, il nous faut une fête, un festin. Pia, emmène Sylvia, fait la belle. Moi, je descends dans le puits, il reste des bouteilles. On ne doit pas voir que notre petite sœur a pleuré. Coiffe-la. Fais-la toute belle. C'est pour elle que nous nous réjouissons. Est un peu soupoulée. Mais c'est la plus serviable. Sylvia, c'est la fleur. Sa joue m'attendrit aux larmes. Toi, Agathe. Moi, je suis vieille. Toi, tu es la seule qui compte. C'est par toi que je suis venu ici, c'est pour toi que je reste. Sais-tu ce que tu me rappelles? Dis toujours, Angelo. Un conte. Chez moi, on ne voit pas les femmes seules dans les champs la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles pourraient y rencontrer le diable. Et alors? Chacun sait que les femmes ont envie de faire l'amour avec lui. Et c'est lui qui fait le difficile. Seulement, parfois, pour aller chercher un médecin, pour toute autre chose, il faut bien les envoyer, les femmes seules dans les champs la nuit. Et alors? Et alors? Elle marche. Et tout à coup, s'il y a la lune, elle voit une ombre à côté de la leur. C'est un voyageur qui les accompagne. Que leur dit-il? Rien. Il les flaire. Pour sentir quoi? S'ils sentent la fumée. La fumée, c'est l'odeur des hommes. C'est le feu qu'on allume et le pot qui boue. Seule une créature humaine peut allumer le feu et faire bouillir le pot. Et si elles sentent la fumée? Il s'en va. Ah, il a horreur des petits êtres commères et pleurnicheuses. Mais de loin en loin, Agathe, il y en a une qui ne sent pas la fumée. Et que sent-elle? Rien. On dit qu'elle sent le vent. L'être suprême s'est trompé en les faisant naître. Les ingrédients étaient destinés à quelques créatures plus importantes, plus étranges, plus proches de Dieu. C'est pourquoi la femme de ce genre est toujours mélancolique. Elle ne se plaît nulle part, rien, pas même le paradis n'est fait pour elle. Et c'est elle que le diable guette la nuit. Et elle n'a pas peur. Et elle part avec lui. Qu'y a-t-il ? Rien. L'échelle qui est tombée, elle s'est décrochée. Mette-moi une corde. J'y vais, attends. Tu l'as trouvé ? Je la prends un moment. Tu voulais quelque chose ? Maman, tu n'as pas dormi ? Je ne dors jamais beaucoup, tu sais. Viens, nous allons manger un petit peu. Plus tard. Tu ne voulais rien d'autre ? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne te sens pas bien ? Il fait froid le matin. Va, va rejoindre Pia. Il est complètement inutile que tu restes ici. Avez-vous tout ce qu'il vous faut là-haut ? L'une de vous est allée pour le lait. Il faudra aussi penser à la lessive, à le séjour. Oui. N'est-ce pas ? Maman, j'ai un petit peu peur. Allons, allons. Pourquoi ne viens-tu pas dans l'autre pièce ? Ici, on ne peut même pas causer. Je viendrai. Sais-tu à quoi je pensais ? Au pensionnat. À notre professeur de catéchisme. Aux métaphores par lesquelles il cherchait à nous rendre clair l'éternité. Il nous disait, imaginez un papillon qui de temps en temps remue ses ailes si frêles. Il est posé sur une sphère de bronze. Imaginez combien de temps il faudrait pour que le mouvement de ses ailes produise la plus petite rayure sur la sphère de bronze. Et puis imaginez combien de temps il faudrait pour que ses faibles ailes parviennent à la réduire au point qu'elles finissent complètement d'exister. Un espace de temps effrayant. Et puis imaginez encore que la sphère est grande comme une maison, ou mieux, comme le soleil et la terre mis ensemble, ou mieux encore, comme l'univers jusqu'aux plus lointaines constellations. Et le petit papillon posé sur la sphère de bronze sans borne doit de ses ailes toutes minces l'effacer, la réduire à rien. Et quand il l'aura consumée, il devra en consumer d'autres et d'autres et d'autres, autant qu'il y a de grains de sable jusqu'à ne plus pouvoir du tout les dénombrer. Et quand il les aura consumées, toutes, eh bien l'éternité ne sera pas entamée. L'idée d'éternité échappe à la pensée des hommes. À moins que je ne sois l'idée du moment qui lui échappe. Maman, est-ce qu'il n'a plus parlé ? Non, très peu. Rien depuis 2 heures. Tu crois qu'il ne se passe rien ? En s'approchant et en tendant l'oreille, on l'entend. Il respire. Il se tait seulement parce qu'il boude un peu. Ça le prend par accès, il boude. Tu dis qu'il y a bientôt 2 heures qu'il n'a plus parlé ? Jusque-là, que disait-il ? Pas grand-chose. Il était impatient, il piaillait. Et maintenant, que fait-il ? Il médite. Et pourquoi criait-il avant ? Parce qu'il ne s'était pas rendu compte, il n'avait pas encore compris. Pas compris quoi ? Les choses. Enfin, qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un bon tour pour rire. Maman, ça fait déjà un jour et deux nuits. Pas encore, un peu moins. D'ailleurs, vous étiez d'accord, il me semble, vous avez ri. Puisqu'est-ce qu'un jour et deux nuits, il en a vu bien d'autres lorsqu'il était à la guerre, c'était bien pire. Puis il lui reste encore quelques bouteilles en bas. Des bouteilles, pourquoi? Parce que de temps à autre, il brise le goulot d'une. Il la boit? Oui. Je l'ai entendu. Il l'a même dit. Il se saoule là-dedans. Ainsi lui passe le temps. Maman, c'est pour lui servir de leçon, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, il lui fallait ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, on n'était pas à son aise. Il a déjà changé un tout petit peu. Il lui reste encore pas mal de progrès à faire. Moi, je vais mieux. Quand il parle d'en bas, parfois le rire me prend. Maman, maman, appelle-le. Juste pour l'entendre, pour savoir ce qu'il dit. Appelle. Il vaut mieux pas, je l'ai remarqué. S'il se rend compte d'une présence, il se met à parler, à crier. Il espère qu'on lui répondra. Tandis que s'il n'entend personne. Tu vois, je me suis même déchaussée. S'il n'entend personne, il a un peu peur. Il faut qu'il ait peur, il faut attendre que la peur l'envahisse un peu. La peur de quoi? La peur. D'ailleurs, toi aussi, tu parles bas, tu marches sur la pointe des pieds. Pourquoi le fais-tu? Sylvia! Sylvia, je sais que tu es là, réponds-moi. Je t'ai entendu, tu sais, allez, réponds-moi! Réponds-lui, toi, ma... Continuer, ce serait dangereux. Descendons-lui la corde et finissons-en. Descends-lui, toi. J'ai peur. Il semble devenu fou furieux. J'ai peur. Pia! Sylvia! Oh, je ne peux plus m'entendre appeler comme ça. Mais pourquoi es-tu descendu? Je t'avais dit de rester là-haut. Là-haut, on n'entend rien. On l'entend là-haut. On l'entend partout, de la route même. Et si quelqu'un vient à passer, il l'entendra. Je ne crois pas, et puis personne ne passe. Toute la nuit dernière, il n'a pas cessé un seul instant. Mais ce n'est pas vrai, c'est toi qui veux l'entendre, même lorsqu'il se tait. Pia! Sylvia! Pia! Sylvia! Pourquoi n'appelle-t-il que nous deux seulement? Pourquoi n'appelle-t-il que nous deux et pas toi? Parce qu'il sait qu'avec vous, c'est plus facile, vous êtes plus jeune. Pia! Sylvia! Oui! Bravo! Alors, par moments, je m'emporte, mais ensuite, je m'amuse, moi aussi. Quel tour! Ah oui, un maître tour, faut que j'en reconnaisse mes compliments! Dans mon pays aussi, un jour, on joue un tour semblable à un type, tout fini par un festin! Ce fut un festin magnifique. Oh, je m'en souviens bien, j'y étais. Vous entendez cette voix maintenant? Magnifique. Tranquille. Sais-tu ce que cela veut dire? Quoi? C'est la peur, le froid de la peur. Il comprend qu'il est en danger, il essaye de se dominer pour nous dominer. Ouais, chasseur, vous m'avez mis en pénitence. Bon, je ne dis rien, sinon je le méritais. J'étais en train de devenir un peu insolent. Oui, je le confesse. Non, mais j'espère bien, ceci dit, ne pas avoir attrapé un rhume. Heureusement encore qu'il y avait des bouteilles. Celles qui sont restées, je vais vous les monter. Bon, dépêchez-vous, sinon je vide la cave. Allez, allez, je me saoule pour de bon. Faites, déplairait-il que je chante? Et c'est vie ou tout c'est... Oh mon Dieu, il est vraiment effrayé. Mais bon... Pourquoi lui faisons-nous ça? Pourquoi? Mais il t'a dit lui-même, il était un peu insolent. Et vous étiez d'accord? Mais maintenant, ça suffit, on le fait monter, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tout de suite, on le fait monter. Sylvia, par pitié, la corde! Jette-moi la corde, par pitié, ne le dis pas à ta mère. On veut me faire mourir, là, c'est ta mère! Meurs, traçons là-dedans, vite! Et je suis à bout de force, Sylvia! Sur le point de m'évanouir, si je m'évanouis, je vais me noyer vite. Sylvia, Pia, je partirai, je m'en irai, je vous obéirai. Mais ne me faites pas mourir là-dedans, par pitié! Criminel! Criminel! Je vais remonter seul! Je vous arracherai le cœur à toutes les trois. Vous me mettrez en morceaux. Je vous ferai condamner. Je vais vous voir pendu. Pendu, pendu, criminel. Toutes les trois complices d'assassinat. C'est pas vrai, c'est arrivé tout seul. Toutes les trois. Ah, criminel, vous ferez pendre pas. Vous arracherez le cœur, vous le mettrez en morceaux. Mon Dieu, j'ai peur. Je t'enlève quelque chose dessus. Une pierre, une grosse pierre, n'importe quoi. Mais non, il ne peut pas monter, il a déjà essayé cette nuit. Il a essayé? Oui, plusieurs fois. Je l'ai entendu. Les pierres ne font pas suffisamment de prise. Mais furieux comme il est, il ne pourrait pas? Mais non. Plus le temps passe, plus sa colère augmente, mais sa force baisse. S'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il réussira. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Il n'y a rien à faire. Mais que va-t-il arriver? Rien. Comment rien? J'ai peur que maintenant... Maintenant quoi? Je crains qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Que veux-tu dire? Que je ne souhaite vraiment pas le voir sortir de là. Nous verrions surgir du sein de la terre quelque chose d'épouvantable, un démon. Il nous déchirerait, vraiment. Ou bien il nous ferait pendre. Rien ne pourrait désormais nous sauver. Mais alors? Je ne crois pas qu'il réussisse à remonter. Ce n'est pas ma faute! Je n'ai rien fait! Et aucune de nous n'a rien fait. C'est arrivé comme ça. Il est arrivé qu'il vint ici, qu'il avait appelé personne. Il est arrivé que les crochets ont glissé de la margelle, personne n'y avait touché, ils ont glissé. Puis c'était fixe dans sa tête, tout de suite, c'est notre faute. Impossible de le dissuader, donc de l'aider. Quel enchaînement étrange. Il faut croire qu'il y avait à notre insu une confusion, un déséquilibre, qui ne pouvait pas, qui ne devait pas durer. Oui. C'était comme s'il avait trouvé pour chacune de nous une sorte de fibre entre la terre et nous, pire, un cordon sanglant roulé, noué autour de son poignet. C'était sa force. Pour un peu, nous aurions marché à quatre pattes, bêlés, rampés, des poils nous seraient poussés comme aux chèvres. Rien ne dépendait plus de nous. À présent non plus, c'est ainsi. Maman, tu le savais. Tu pouvais l'empêcher. C'est pas vrai. Tu sais depuis 2 jours ce qu'il attend. Et toi non, peut-être. Bon. Il faut maintenant que quelqu'un reste ici, bien tranquille et réfléchisse. C'est un rôle ingrat, je le prends. Vous tremblez, moi aussi! Et après? Bon. Lorsque tout sera fini, nous partirons. La maison et le puits ne tarderont pas à s'écrouler. Il y avait ici un étranger. On pensera qu'il est parti, comme il est arrivé un jour. Maman, tu le savais. Tu le voulais. Depuis 2 jours, tu n'as pensé qu'à ça. Chut, petite sœur, voilà un gros remords qui t'a épargné. C'est bien toi qui veux pris le revolver il n'y a pas si longtemps, alors. Depuis 2 jours, tu nous fais croire. Mais moi, je ne peux pas supporter. Quoi? Ça, je ne le supporterai pas. Quelle chose tu ne peux pas supporter, mon ange. Heureusement que je suis là pour ça, tout exprès. Et puis bientôt, lui aussi se calmera. Car à un moment donné... Lorsque tout est certain, on redevient, comment dirais-je, tranquille. Je m'en vais. Je m'en vais. Oui, va-t'en, cela vaut mieux. Toi aussi, Sylvia, allez-vous-en, personne ne vous demandera de compte. Je ne resterai pas une minute de plus. Mes affaires sont déjà prêtes. Mais oui, ma chère, va-t'en à Vienne, va dîner en robe du soir. Bien sûr que je m'en vais. Je ne t'ai jamais approuvé, je n'aimais pas le mariage de mon frère. Pia, tu n'imagines pas la mauvaise influence que tu as eue sur ma vie. Comme je suis devenue mesquine. Il y a des choses que je n'ai faites que pour te contrarier, cela il le fallait. Car je voyais toujours 1000 et 100 000 visages comme le tien derrière le tien. Et je ne pouvais pas vous donner gain de cause. Mais je te la partais, liez-la. Elle est folle! Pia! Sylvia! Wow. Ne lui permettez pas d'achever ce crime. Mais elle riait de vous! Elle vous méprisait! Non, mais aidez-moi, je sens le froid de la mort. C'est elle! C'est elle! C'est elle la coupable! C'est elle! C'est toi! C'est sa faute! La coupable! La coupable. Disons que j'ai agi et puis voilà. C'est toi, dès le premier instant, tu as décroché l'échelle. Lorsqu'une persienne bat dans la nuit, il faut que quelqu'un se lève. Il fallait mettre fin à ce qui était, je l'ai fait. Ce n'est pas vrai. Elle a été poussée par la jalousie. Une jalousie honteuse. Sylvia, elle est jalouse de toi. Pourquoi pas? Cet homme se serait fatigué de moi, Sylvia. Elle m'aurait humiliée à ton avantage, disant que nous sommes rivales et que je l'emporte, j'irai jusque-là. Sylvia, elle a tué ton père. Elle l'a tué d'une manière plus sûre que si elle l'avait étranglé. Même cela se peut. Il m'avait tellement accablé d'imposture. Il est seulement dommage qu'il soit là-bas sous terre et qu'il ne puisse pas voir le résultat de ces tristes farces. Mais il n'est pas trop tôt pour que je respire un peu. Tu m'as toujours fait peur. Tu nous as rendus malheureux. Et moi plus que les autres, et cela compense. Tu t'es donné à un inconnu à l'instant, sur le tas de tes peaux de chèvre. Oui. Et puis tu m'as jeté dans son lit. Soit. Et après ta fille. Toutes les trois. Je pourrais bien objecter quelque chose, mais peu importe, en substance, le tout est vrai. Toutes les trois. Il est donc évident que ça ne pouvait durer. On finit aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas partir et le laisser là. Plus rien ne m'importe. Ni toi, ni moi, ni rien. Je veux qu'il remonte. Je ne peux pas supporter de vivre sans lui. Mais ceci n'est pas vrai, Sylvia. Vous deux, vous n'avez fait que me suivre. C'est moi qui vous ai entraînée. Je veux qu'il remonte. Quand il m'appelle, je désire tout quitter. Je veux lui obéir. Ce ne sont pas tes mots, Sylvia. Ce sont les miens. Du calme. Je veux qu'il remonte. Je pourrais me jeter moi aussi là-dedans. Maman! En ce moment même, je pourrais. Tu pourrais. C'est vrai. Cela aussi arrive aux femmes. Et tu es une femme. Dire que j'ai été grosse de toi, j'en avais horreur. Pourquoi existes-tu? Pourquoi as-tu grandi? Tu étais si tendre et touchante. Pourquoi n'es-tu pas morte cet été-là quand on le craignait? Te parler. Je t'écoute, Angelo, parle. Gatta, donc je me résigne. Moi aussi, je me suis résignée. Toi qui as voulu cela? Peut-être, mais parfois il me semble avoir simplement obéi. Donc je reste ici, que je meure. Angelo, il me semble à présent qu'il ne peut plus en être autrement. J'ai peur d'avoir mouru. Fille-moi, j'ai peur, j'étais jeune encore. Et crois-tu que pour moi ce ne soit pas une peine? Je t'en prie, Agathe! Je t'appelle pour que tu viennes me délivrer. Tu as dans tes mains pour moi tout ce qu'il y a de bon et d'agréable dans le monde, Agathe! Moi aussi, je voudrais bien te secourir. Mais pourquoi ne le fais-tu pas, Agatha? Parce que j'avais peur. Mais je sais que toi aussi tu m'appelles. Tu dis, viens, Angelo, tu dis, ne meurs pas. Oui, moi aussi, je t'appelle. Tu aimais me voir, m'obéir. Oui, rien d'autre ne m'importait. Mais ta vie de nouveau sans moi ne sera plus rien. Oui, rien. Et alors, pourquoi ne me délivres-tu pas? Je n'aurais jamais pu te voir partir, Angelo. Maintenant, tu commets un crime. Il le fallait pour redevenir tranquille. Il ne sera plus jamais tranquille, ma pauvre Agathe. Tu seras condamnée, maudite. Jamais. C'est cela, être tranquille, avoir ce qu'on a mérité. Pauvre Agathe. Pauvre Agathe. Je ne crois pas à la pitié. Elle fausserait la balance. Dieu ne se met pas plus en colère qu'il ne s'apaise. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Une goutte tombée, une pensée formulée, le sont pour toujours, Angelo. Tout a son poids. Et j'aime le mien. J'accepte. Et bien sûr, il existe un moment où l'on peut choisir. Où l'on choisit même. Je crois que c'est un peu avant l'aurore, pour ainsi dire. Tout est encore libre, rien n'existe. Et le regard peut également se tourner de l'un ou l'autre côté, vers le sommeil ou l'action de grâce. Mais ceci fait, il faut être ce que l'on est. Il faut l'être tout à fait. C'est ainsi. Du moins, je le crois. Sylvia, tu es ma seule pitié au monde. Un jour, tu étais toute petite, comme ça. Le garçon du berger apporta un joli chevreau pour le tuer. Il l'égorgea là, sur la pierre, lui enfonçant le couteau dans le corps. Puis il fendit la peau en un point, ouvrit le corps de la bête et en tira les entrailles. Un petit tas gris et rose trié de sang. Un peu plus loin, il y avait une cuvette avec du sang noir qui fumait. Moi, je l'aidais. J'avais les mains rouges. Et soudain, je me retournai. Tu étais là, Sylvia, là, sur cette porte. Raidie, pas les prunelles dilatées. Tu n'avais jamais rien vu de pareil. Tu étais trop petite. Alors tu t'es mise à pleurer d'une façon terrible. Moi, je ne savais plus que faire pour te consoler. Je ne pouvais même pas t'embrasser puisque j'avais les mains. Je te priais. Je te promettais les choses les plus folles. Je te disais que rien n'était vrai. Enfin, tu t'endormis. Et ce fut à moi de pleurer. Je ne sais plus ce que je me promis à moi-même, ce que je me criais. Cela peut-être. Elle, non. À moi, le sang, la cuvette, les mains rouges. À moi, les entrailles par terre, les vertiges, les sueurs. À moi, le relent d'animal, le puits. Elle, non. Intacte, sauvée, lointaine, en dehors de tout. Va-t'en, Sylvia. Va-t'en. Et si vraiment tu portes en toi... Va. Je ne suis pas déçue de toi. Mais que tu aies grandi. Comme les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eduardo, vous devez avoir soif. Voulez-vous boire? Bien sûr que j'ai soif, bien sûr. Puisez de l'eau, là, là, dans le puits. Bien sûr que j'ai soif, bien sûr. Bien sûr. Je suis trop vieux maintenant pour continuer sur mes ménages avec ce camion tout démantibulé. Il fait grand soleil dehors. Ici, on ne dirait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ma fille va partir. Ma belle-sœur va l'accompagner. Et les bagages? Plus tard. Et vous? Je reste ici. Et l'étranger? Il est parti. Ah? Bon, c'est pas tant le soleil, c'est le vent, c'est l'air qui vous brûle. Non, non, Je vous attends en bas. Allez, près chez vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en toutes les deux. Laisse-moi ça. Angelo. Angelo. Attends. Oh, c'est bien. Oh, maintenant, tout est simple.